ma joie idée. Mama joie idée, Guillaume qui fait ma joie idée. Mama joie idée, papi Bocholi joie idée. Mama joie idée, Elvis Ndembi joie idée. Mama joie idée, Charlie le beau, tout ce que pelé à Betolo. Chiquito, basa basa, basa basa. Samile yo yo, samela manabika. Nuna moi papa, samela manabika. Si tu t'allais